le 6-9 de l'été, sur France Inter. À 6h49, Elvis Presley, 40 ans après sa disparition, Magic Elvis, raconté par Philippe Robin. Aujourd'hui, anecdote à propos d'Elvis. Les fans du monde entier se retrouvent cet été à Graceland, le domaine du roi du rock Elvis Presley. Et quand ils se rencontrent, ils partagent forcément des expériences, des anecdotes, des histoires. Alors en voici quelques-unes qui vont alimenter les conversations. Celle de Michael Driberg, par exemple, organisateur de concerts en Suisse, fan du King, qui a vu disparaître toute sa collection de disques de Presley dans des circonstances à la fois tristes et insolites. Ça, c'est un drame. Non, c'est un drame parce qu'effectivement, j'avais pas tous, malheureusement, mais une grosse partie, même à double, à triple, puisque je m'amusais même à aller en Espagne, en Italie, acheter le même vinyle, mais avec des couvertures différentes. Et puis, une histoire d'amour qui a mal tourné, fallait que ça arrive un jour. Et elle m'a tout embarqué, tous les disques. Et j'ai fait des appels à la télévision, à la radio, partout, mais elle ne me les a jamais rendus. Et puis, comme elle est partie à l'étranger, je pense que je peux faire mon deuil. Tout ce qui me reste à faire, c'est organiser des concerts pour entendre cette musique. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Et cette histoire étonnante que m'avait raconté un proche d'Elvis, Charlie Hodge, malheureusement disparu l'an dernier, qui explique que le colonel Parker, l'agent d'Elvis, l'a menacé de le quitter pour aller s'occuper des Beatles. When Colonel first was managing Elvis, he got 25%. About 1963. Quand le colonel Parker a commencé à s'occuper d'Elvis, il prenait 25%. Vers 1963, les Beatles ont demandé au colonel Parker de s'occuper d'eux. Alors j'imagine que le colonel est venu voir Elvis en lui disant « Les Beatles veulent que je m'occupe d'eux et moi, je peux me faire plus d'argent avec eux qu'avec toi. Sauf si tu tiens vraiment à me garder. » Et c'est sûrement là qu'ils sont devenus partenaires à 50-50. Celle-ci aussi, racontée par un autre fan, lui-même star de la chanson, aussi bien en Suisse qu'au Québec, Alain Morisot. Dans les années 60, il y a des promoteurs anglais qui décident de faire venir Elvis à Londres pour un show à Wembley, qui devait être télévisé à l'époque, c'était encore pas l'habitude et tout. Donc il offre une somme colossale à l'époque qui était de 120 000 livres sterling. Donc il lui fait un contrat extraordinaire. Et la réponse de Colonel Parker est écoutée. En ce qui me concerne, pour moi, ça va très bien. Mais qu'est-ce que vous pensez donner à Elvis? Ça, c'est formidable. Et enfin, cette anecdote racontée par Elvis lui-même lorsqu'il a découvert le pouvoir de sa jambe gauche. J'étais sur scène à Memphis, c'était mon premier grand spectacle. À un moment, les gens criaient et je ne savais pas pourquoi. Quand je suis descendu de scène, mon manager m'a dit que c'était parce que je secouais ma jambe. Alors je suis remonté pour un rappel et je l'ai refait. Et plus je le faisais, plus il devenait dingue. Voici l'une des toutes premières chansons sur lesquelles Elvis agitait sa jambe, et tout le reste de son corps d'ailleurs, pour le bonheur des jeunes filles et le désarroi de leurs parents. You know I can be found, sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Go